Start Tonight, c'était Phil Collins sur France Bleu Creuse. L'agenda loisir de France Bleu Creuse. Notez ce 20 octobre, vendredi, c'est le Théâtre d'Or qui jouera Les Chants de Mal d'Aurore. Ça va se passer à la médiathèque de Guéret dans le cadre de l'exposition de Bernard Bondieu sur France sur Michaud. C'est à l'auditorium de la médiathèque de Guéret, vendredi donc à 20h. Autre rendez-vous, c'est la fête de la pomme vendredi à partir de 16h30 à l'école de Saint-Agnan de Versilla. C'est à la salle des associations au menu pressage et vente de jus de pomme. Des pommes aussi à vendre, des boudins de pommes. Il y aura une buvette, pardon, et des grillades sur place. Vous pourrez déguster aussi des crêpes, des cakes, des gâteaux, etc. Bref, c'est un très très bon moment organisé par l'association sportive et culturelle des écoles de Saint-Agnan de Versilla. Bien sûr, pour plus de précisions, n'hésitez pas à contacter Laure tout de suite au 05 55 52 37 38. Voici Christophe Willem, Je tourne en rond. Parti cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants. Seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en rond sans toi. J'oublie mon nom sans toi. Et je ferme les yeux autant que possible pour te revoir auprès de moi. Parti cheveux en bataille. Faut voir comment je déraille. Comment je perds mon sang, froid en un instant. Tire autour de mes failles, comme une ceinture de samouraï. Et moi qui cède sûrement à l'appel du vent. C'était Christophe Willem sur France Bleu Creuse. Place à Alter Creuse, tout de suite consacrée à la coopérative d'habitat de Catherine et Gilles. Elle s'appelle Corilus, cette coopérative. Elle est située à Nouziers. C'est donc la deuxième semaine avec ce couple qui explore l'habitat participatif, mais d'une manière peu courante, totalement légale, cadrée et intégrée. Ça s'appelle donc l'habitat coopératif. Un modèle qui a fait ses preuves tout en étant encore peu répandu, après avoir cerné les personnages de Catherine et Gilles. Eh bien, nous attaquons la constitution et le fonctionnement de leur micro-société Corilus, qui est implantée dans le village de Nouziers. Et Gilles est un jeune retraité. Il est arrivé ces dernières années dans la Creuse. Il est venu pour y réaliser son rêve, créer un collectif d'habitation, donc qui s'appelle Corilus, une vie de travail et de conviction avant de pouvoir passer à l'action. Ça marque un homme, ça. C'est ce qu'a pu constater Nicolas Paraty sur place. Notre maison brûle. Des systèmes humains, résilients, locaux et adaptés à l'environnement. Alter Creuse. penser en réaction, c'est faire le grand pas de côté pour dire non, je ne suis pas en accord avec ce qui se passe, donc je m'écarte et je participe à la création d'autre chose qui me convient et que je trouve plus juste pour l'humain. Parfois on nous demande des tuyaux parce que nous en partie du recensement habitat participatif et qui est très inspiré aussi de ce type de montage juridique. C'est établir quelque chose de nouveau en réaction à l'appropriation des biens, des terres, des territoires. Donc ouais, c'est un engagement, c'est militant activiste, ouais. Voilà, la chose est dite, si vous aviez encore un doute. Ne faut-il pas mieux s'impliquer dans une société qui connaît des difficultés ? Innover avec un objectif social bien déterminé, oui, mais avec le moins d'inconvénients possible. Nous sommes locataires, alors lorsque nous partons d'ici ou nous mourons, nous rendons la location au collectif, qui à terme, au bout d'un certain nombre d'années, les apports peuvent être financés par des petites mensualités qui vont couvrir et créer un capital qui permettrait de donner la possibilité à des personnes jeunes d'habiter sans apport financier. Sachant qu'attention, l'argent que nous prêtons au lieu n'est pas perdu, puisque lors de notre mort ou notre déménagement, la société rembourse le prêt. C'est un prêt à notre société que nous faisons. Donc il n'y a pas de spoliation non plus d'héritage, si on souhaite parler d'héritage. Et en fait, l'idée c'est... je peux partir à tout moment si la trésorerie permet de rembourser mon argent. C'est pour ça que l'idée, c'est d'avoir suffisamment de personnes pour capitaliser, pour avoir une trésorerie qui permette de rendre le prêt à une personne sur le départ. Du prêt en compte d'associé, c'est pour ça que le montage juridique est hyper bien fait. Prêt en compte d'associé, c'est légal, c'est inscrit dans le registre des prêts. Là, c'est l'entité habitant, type coopérative à capital variable. Et en face, le bâtiment sera géré par une association qui gère le socio-culturel. Et on va y mettre l'appellation en plus éducation populaire. L'éducation populaire, donc, proposer aux gens de prendre conscience, de s'éveiller. Après, c'est vrai que l'éducation populaire, ça dérange parce qu'après, c'est pas dans le sens de ce qu'on nous impose. C'était Gilles au micro de Nicolas Paraty dans Alter Creuse pour cette coopérative d'habitat à Nouziers qui s'appelle Corylus. La suite demain, bien sûr, à 16h25. À 19h toute la semaine, toute l'actu musicale est sur France Bleu, dans Décibel. Salut tout le monde. Émilie Mazoyer. Ce soir dans Décibel, on parle de William Scheller et de la compilation qui lui est consacrée, simplement Scheller. 17 artistes reprennent vers son piano-voix les plus jolies chansons de William Scheller. Il y a plein de gens bien sur cette compile. Calogero, Eddie Depreto, Véronique Sanson et mon invité de ce soir, Vincent Delerme. Décibel, seulement sur France Bleu, chaque soir dès 19h. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Creuse, ici, on parle d'ici. Écoutez, c'est votre 16-19 avec Nora Bedrouni. Bienvenue à vous pour cette nouvelle demi-heure que nous allons partager ensemble. On va accueillir Laurent Dubois, il est professeur de danse à l'association Danser Aguerret. Il nous raconte sa vie en musique dans la playlist d'une vie présentée par Gaëtan Spagnol. On va déguster des crêpes aussi dans l'écho d'ici. C'est avec Héloïse que nous allons retrouver à 16h45, sans oublier bien sûr l'agenda. Très bel après-midi, voici Bonnie Tyler, It's a Headache. It's a heartache, nothing but a heartache. hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until you're Headache, c'était Bonnie Tyler sur France Bleu Creuse. Et il est temps de retrouver la playlist d'une vie chaque semaine. Et bien, c'est un Creusois qui est à l'honneur. Il nous raconte sa vie en chanson. Et cette semaine, c'est Laurent Dubois, qui est professeur de danse à l'association Danser Aguerré, qui nous raconte sa vie en musique au micro de Gaëtan Spagnol. France Bleu Creuse. La playlist d'une vie. Bonjour Laurent Dubois. Bonjour. Danseur, professeur de l'association Danser Aguerré. Vous avez choisi Le Boss aujourd'hui, Bruce Springsteen. Ça va faire plaisir à plein de gens parce que c'est pas la chanson qu'on entend le plus, c'est vrai. Et pourtant, quelle importance dans sa carrière, The River. Très belle chanson, quoi. Alors le titre, moi, j'ai un passé où, entre guillemets, j'ai été chef des poissons. Chef des poissons. Ouais. J'ai travaillé donc conseil supérieur de la pêche à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques pendant de nombreuses années. Et cette chanson, bon, en plus, c'est The Boss, hein, qui la chante. Puis musicalement, il y a une mélodie. Puis les paroles, elles sont fortes les paroles quand même, hein. Puis c'est un peu ce couple qui descend une rivière pour aller chercher du travail et tout, et puis qui, ben après il y a la crise, il y a tout ça, la vie, quoi. Ouais, c'est un très très beau morceau. Hein. Bruce Springsteen choisi par Laurent Dubois, la playlist d'une vie, c'est aussi, hein, n'oubliez pas, sur francebleu.fr, l'appli ici, et puis sinon, eh ben rendez-vous demain. Merci Laurent Dubois, demain. À demain. I come from down in the valley where Mr. They bring you up to do like your daddy John. Me and Mary, we met in high school, and she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down. Springsteen, The River, dans la playlist de Laurent Dubois, que nous retrouvons bien sûr demain aux côtés de Gaëtan Spagnol. Et demain, c'est Still Loving You de Scorpion qui sera à l'honneur dans la playlist d'une vie. Marc Lavoine et Catherine Ringer avec ce fameux duo « Qu'est-ce que t'es belle ?» Quand tu penses, pense à toi. Je me sens pas belle quand tu sais que je ne sais pas. Qu'est-ce que t'es belle quand tu dis je crois. Et Catherine Ringer, qu'est-ce que t'es belle. Le 16-19 revient dans un instant. Le 6-9 France Bleu Creuse. Et si vous preniez la parole du lundi au vendredi à 8h20, réagissez et commentez l'actualité, partagez vos expériences, racontez-nous votre quotidien. Non, non, ça m'inquiète parce que franchement, un coup le soleil il est là, c'est bien, mais il nous faudrait quand même de l'eau parce que ça va plus du tout ça. Tous les jours, rendez-vous à 8h20 au 05 55 52 37 38. On croirait que les piétons n'ont pas le droit de circuler. Bon, moi j'estime que quand on est sur une petite route, on doit ralentir. Faites entendre votre voix à 8h20 sur France Bleu Creuse. C'est l'euphorie dans votre concession Renault-Euphorie. Jusqu'au 31 octobre, 400 véhicules toutes marques à prix coûtant. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Attention, stock limité, il n'y en aura pas pour tout le monde. Conditions dans votre concession Forêt Renault-Guéret, 31 avenue Charles de Gaulle. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Lundi 23 octobre, le département de la Creuse attend les enfants pour un jeu de piste gratuit autour de l'univers des maçons de la Creuse. Ils devront résoudre des énigmes pour finir à temps le chantier entrepris. Rendez-vous à l'hôtel du département à Guéret. Infos et inscriptions obligatoires sur creuse.fr ou au 05 44 30 23 24. Et voici Oshi, je partirai avant de déguster de bonnes crêpes avec Héloïse. Je dors aussi. cache la lumière en moi. Dans mon corps, il doit bien y avoir ça. Dites-moi, si on ne m'aime plus tant que ça. Ici la haine tue, putain, je ne comprends pas. Pourquoi moi je leur sers d'appât. Dans vos bras et surtout gardez un bout de moi. M'en voulez pas si je me fais un film ou un drama. Je marche sur un fil qui se défile sous mes pas. Cherche un endroit, un toit pour être moi. C'était Oshi sur France Bleu Creuse. Et pourquoi pas manger une crêpe pour votre repas tout à l'heure? C'est toujours une bonne idée, c'est bon, c'est simple et ça fait plaisir. Mickaël Tarr a décidé de revisiter la traditionnelle crêpe avec des recettes salées, sucrées et même en salade. Il sillonne les routes limousines et auvergnates depuis octobre 2022 à bord de son food truck. Rencontre avec la crêpe mobile au micro d'Héloïse Beausoleil. Aujourd'hui, on vous rencontre Mickaël Tarr. Bonjour. Bonjour. Vous êtes crêpier. Depuis un an et demi, vous sillonnez les routes creusoises avec la crêpe mobile. J'aimerais savoir, la crêpe mobile, qu'est-ce que c'est ? C'est un food truck avec uniquement des spécialités à base de crêpes de froment. Donc pas de galettes ou uniquement sur demande. Galettes, ce qu'on appelle galettes en Bretagne avec la farine de sarrasin. Je décline la crêpe, j'en fais des spécialités salées assez gourmandes ou sucrées, puis quelquefois en salade ou à partager. Pourquoi avoir choisi de revisiter la crêpe ? C'est déjà un plat que moi j'aime bien. Dans l'esprit de tout le monde aime la crêpe. C'est à moi de faire apprécier après mes compositions aux gens. Ça fait un an que vous êtes arrivé en Creuse, que vous êtes arrivé à Soumont. Et votre activité, elle est un peu plus ancienne que ça. Ça fait depuis donc 4 ans que la crêpe mobile existe. Comment est-ce qu'elle se porte, votre activité en Creuse ? L'activité est un peu compliquée parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément. Dans l'idée des gens, manger une crêpe, c'est pas forcément copieux. Dans la tête des gens, la crêperie, c'est assis avec une bolée de cidre. Moi, j'arrive avec mon concept, avec mes compositions. C'est à moi de convaincre un peu les gens de faire le pas et de venir me voir et de tester. Ce que vous proposez, c'est des recettes gourmandes, généreuses, aussi bien sucrées que salées. Où peut-on vous retrouver ? Où on me demande, clairement. Je vais là où on m'appelle pour tout ce qui est événements privés ou pour le secteur un peu des communes, pour les marchés de Noël, les brocantes, les choses comme ça. Et puis après, de manière un peu plus régulière, sur un secteur autour de Boussac. C'est-à-dire que vous ne faites pas de marché, mais que par exemple, des sociétés, lors de la pause du midi, peuvent faire appel à vos services afin tout simplement de déjeuner. C'est ça. C'est exactement ça. Que ce soit de manière ponctuelle ou de manière plus hebdomadaire ou juste sur un événement, on fait appel à moi. Vous sillonnez l'ensemble du département creusois, mais pas que. Il y a aussi toute la région Limousine et Auvergnate. C'est ça. J'ai la chance d'être basé au milieu d'un gros secteur. Donc, je peux aller du côté du Cher, du côté de... Enfin, j'ai un secteur assez large. Donc, ça ne me dérange pas. Dernièrement, j'ai été régalé des personnes en EHPAD qui étaient plutôt contents et qui n'étaient pas du tout sur mon secteur. Donc, j'ai fait 1h15 de route pour aller les voir, pour aller les rencontrer et puis pour leur proposer ce que je faisais. Comment est-ce que vous fonctionnez ? Je suis seul pour les recettes. Je suis seul pour tout ce qui est de la logistique. L'élaboration des recettes, c'est ce que j'entends autour de moi. C'est comme là, je connaissais pas du tout la truffade en arrivant ici et j'ai vu que c'était un plat plutôt apprécié dans la région. Donc du coup, l'hiver dernier, j'ai décliné une de mes crêpes en truffade. Comment est-ce que vous vous sentez ? Très bien, très bien. Ma femme me demande régulièrement si ça me plaît toujours. Et oui, ça me plaît toujours. Moi, je me plais au camion, je me plais dans mon activité, je me plais avec ce que je fais. Le fait de rencontrer des gens, c'est aussi ça qui est agréable. Je pense que tous ceux qui travaillent un peu comme moi dans le commerce et qui l'ont choisi, je pense que c'est pour ça. C'est pour le contact avec les gens. Et moi, je le vois véritablement comme un service. C'est aussi pour ça que je suis itinérant, pour apporter du service dans les villages. La crêpe mobile se déplace pour des événements ou des prestations. Plus d'infos sur francebleu.fr. Et Héloïse sera de retour demain à la même heure pour l'écho d'ici. Voici les Pink Floyd, Another Brick in the Wall. We don't need no education. We don't need no control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. Another Brick in the Wall, c'était les Pink Floyd, le groupe, sur France Bleu Creuse. France Bleu Creuse, à noter sur votre agenda. Le club des amis de Saint-Moreil organise samedi prochain à la salle des fêtes de Saint-Moreil son concours de belote tradition cochon. Les inscriptions se feront à partir de 13h30, début du concours prévu à 14h30. C'est 8€ par personne. Et puis la foire aux livres à Chénier, vous y trouverez des jouets, des jeux d'occasion. L'entrée est libre samedi et dimanche prochain. Samedi, c'est de 14h à 18h30. Et dimanche, ça sera de 10h à 18h. Ça sera à la salle de la culture et des loisirs de Chénier. Chaque soir sur France Bleu, toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby est à 100% dans le mag. Dominique Bourdeau. Après 37 ans de séparation, voilà deux coqs qui se sont retrouvés depuis 2018. Le coq sportif est à nouveau l'équipementier de l'équipe de France 2 rugby avec un maillot totalement fabriqué en France. Le PDG du coq sportif, Marc-Henri Bossir, est notre grand témoin. Le mag 100% Coupe du Monde de rugby, chaque soir sur France Bleu, dès 18h. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. Jusqu'au 22 octobre, France Bleu fait sa tournée des marchés. Chaque jour, 2 heures d'émission au cœur d'un marché et un défi lancé à un chef de la région, cuisiné en direct et uniquement avec des ingrédients achetés sur place. Au menu, des produits locaux et de saison et beaucoup de bonne humeur. La tournée France Bleu des marchés, toutes les villes, toutes les dates sur francebleu.fr. Retrouvez la tournée des marchés avec Domitis. Plus de 150 résidences services seniors partout en France à découvrir sur domitis.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Creuse. Très belle fin d'après-midi à vous, il est 17h. Les infos avec vous, Camille André. Bonsoir Camille. Bonsoir Nora, bonsoir à tous. Ils risquent entre 10 et 30 000 euros d'amende. Un couple de négociants en bétail et un vétérinaire creusois connaîtront demain la décision de la justice. Ils sont soupçonnés d'avoir exporté des animaux à l'étranger en falsifiant des attestations obligatoires. Ils ont produit par exemple de faux certificats de vaccination contre la fièvre catarrhale ovine. Le couple s'est même fait passer pour des vétérinaires en créant de faux tampons. Il y a une vingtaine de victimes dans cette affaire. La Creuse n'en a pas fini avec la sécheresse. Au contraire, la préfète prolonge l'état d'alerte maximale pendant au moins un mois et tout le département est concerné. On a toujours interdiction d'arroser les jardins ou de nettoyer les voitures, par exemple. Toutes ces restrictions sont à retrouver sur francebleu.fr. Grosse pagaille dans les aéroports français aujourd'hui. Une dizaine d'aéroports régionaux ont dû fermer suite à des alertes à la bombe. Généralement, le trafic a pu reprendre au bout de quelques heures, mais en début d'après-midi, ceux de Bordeaux, Beauvais et Pau étaient toujours à l'arrêt. Évidemment, ça a provoqué des retards sur la plupart des vols. Suite à la guerre Israël-Hamas, le bilan français s'alourdit. On compte maintenant 24 morts et 7 de nos compatriotes sont toujours portés disparus. Des jeunes en situation de handicap s'affrontent sur leur VTT à Guéret. Oui, cet après-midi, si vous êtes passé en forêt de Chabrières, vous avez peut-être vu les vélos et le balisage. 37 ados et jeunes adultes ont participé à une course en sport adapté, une première dans notre département. Tous les participants présentent des retards mentaux ou des troubles autistiques, mais ils font du sport comme tout le monde. Parmi les participants, Mélanie et Fabien. On peut rencontrer les autres et on peut faire du vélo et c'est bien de faire du vélo. Parce que ça occupe et ça fait un peu de sport. C'est dur là ou pas ? Un petit peu les côtes, mais sinon ça va, c'est pas trop dur. On n'est pas là pour chercher la première place, on est là pour s'amuser, on est là pour rigoler, passer un bon moment. Et puis je suis très fier, après c'est si je peux remporter, j'essaye, si je peux pas, et ben, je réessayerai plus tard. Fabien, 17 ans, très philosophe. Cette épreuve, ce n'était pas une compétition qualificative, c'était une course pour du beurre, mais l'ambiance sportive était bien là. De quoi mettre ces jeunes sous les projecteurs, explique Cédric Stenner, éducateur au foyer d'Arfeuil-Châtain. Je crois déjà que ça les valorise vachement. Hein. Ils arrivent dans un lieu comme ça, avec un speaker, un podium. Ils ont la main, voilà, ils sont valorisés, je trouve. Hein. Et puis ils se défoulent un peu. Alors on en a trois, nous, au foyer d'Arfeuille-Châtain, qui participent à des compétitions jusqu'au championnat de France. Ouais, tout, ça fait plusieurs années qu'on le fait. C'est les mêmes VTT, ils roulent à peu près sur les mêmes circuits, mais les circuits, on va dire, sont un petit peu moins techniques, les durées de course sont un peu moins longues, mais ça reste du VTT. Non, mais je vois bien, quand je fais du vélo avec Jérôme, dans les côtes, il faut le suivre. Hein. Jérôme, en l'occurrence, c'est le seul adulte qui s'est inscrit à cette course de VTT en sport adapté. Les photos sont à retrouver sur francebleu.fr. Et puis, l'entente guéretoise se réorganise. Après le départ surprise du coach Nicolas Désir, c'est Vincent Sauto qui prend la suite à la tête de l'équipe première de foot. Jusque-là, il entraînait les U16, les moins de 16 ans donc. C'est une personne qui s'est rassemblée, précise le club. Nora, on a du vent, on a des nuages. Cette fois, ça y est, c'est l'automne. Ouais, ben je crois. Hein. Enfin, il s'installe tout doucement, on va dire, hein, puisque les températures sont plutôt agréables. Elles sont comprises aujourd'hui entre 19 et 21 degrés. Il y a du vent, effectivement, des rafales jusqu'à 65 km/h. Et puis, le temps sera calme, bien nuageux la nuit prochaine. Toujours ce vent de sud à sud-ouest modéré, des rafales atteignant localement 65 km/h tôt demain matin. Les températures, cette nuit, comprises entre 10 et 13 degrés quand même, et jusqu'à 14 degrés en Basse-Marche et Pays du Noix. Et puis demain, une alternance de nuages et d'éclaircies et des températures pareilles, comprises entre 19 et 21 degrés. Voilà pour les maxis. La météo 100% locale avec Meubles Blondor. Meubles, déco, cuisine et dressing sur mesure à Lavaveix-les-Mines et sur meubles-blondor.fr. Et on jette un coup d'œil sur les routes. Trafic plutôt fluide en Creuse. Hein, oui, sans surprise, ça roule plutôt bien. Tout à fait, mais restez prudent, bien sûr, parce que la chaussée est humide à certains endroits. Donc, il faut faire très, très attention. Vous n'hésitez pas à nous appeler s'il y a le moindre problème sur les routes, à nous le signaler au 05 55 52 37 38. À tout à l'heure, 18h pour le journal, Camille. À tout à l'heure. L'infotrafic 100% local avec Écologie Guéret, votre partenaire spécialisé dans la rénovation de votre maison et l'extension de votre espace de vie. France Bleu Creuse, le 16-19, Nora Bedrouni. Soyez les bienvenus et dans cette demi-heure, côté culture, dans quelques minutes, avec Pascal Gamera, on va l'accueillir à 17h10, et les programmateurs pour le site de la Note à Champagnat. Il y a pas mal d'événements qui sont programmés, des concerts, mais aussi bon à rien et marché aux plantes de la Note. Voilà. On décodera tout ça, bien sûr, avec lui tout à l'heure. On va s'intéresser également au Salon des Arts. C'est à Chénier, les 28, 29 et c'est les 28 et 29 octobre, pardon. Prochain, ça se passe sur deux jours, hein, donc à Chénier. Et c'est Bernard Bondieu qui nous en parlera. Mais tout de suite, Émilie, bah, c'est à vous. Émilie Mazoyer, bonsoir. Salut tout le monde. Émilie, au rapport pour votre dose quotidienne d'actualité musicale. La reine de France fête aujourd'hui son 66e anniversaire. Bah oui, on a une reine. N'étiez pas au courant ? C'est comme ça. La reine Catherine Ringer, autrice, compositrice et chanteuse de génie en solo ou avec son groupe culte les Rita Mitsouko. On lui souhaite évidemment le meilleur pour son anniversaire et je vous souhaite d'aller l'applaudir sur scène avec son nouveau spectacle L'érotisme de vivre, mélange savoureux de lecture de poèmes et de chants autour des textes d'Alice Mendelssohn. Ça parle de désir, de plaisir, du temps qui passe et du corps qui exulte ou pas. Catherine Ringer investit des théâtres partout en France. Prochaine date à Angers, le 10 novembre, à jouer les tours le 11, et pour les Parisiens, il faudra attendre l'an prochain. 15 ans après la sortie du Soldat Rose, conte musical pour enfants à succès signé Louis Chédid, avec M, Francis Cabrel, Vanessa Paradis, Alain Souchon et Jeanne Chéral, ça avait fait un carton à l'époque, hein. Une victoire de la musique, 500 000 exemplaires vendus. Pour fêter les 15 ans, donc, ce spectacle part en tournée. Ça commence à Paris, vendredi, au Grand Rex. On m'appelle le soldat rose, je me névrose, m'ankylose, ma sclérose. Un petit garçon perdu dans un grand magasin et des jouets qui s'animent à la nuit tombée. L'idée fonctionne toujours très bien 15 ans après. La qualité des musiques et des textes font que les parents passent aussi un bon moment avec le Soldat Rose. Le nouveau casting vous attend à Paris pendant ses vacances, puis en tournée partout en France jusqu'au printemps 2024. Star Wars,

I feel good, James Brown, Living in America sur France Bleu Creuse. Le 16-19 revient dans un instant. Ciné des villes, Ciné des champs, un festival de cinéma à Bourganeuf. Vous avez rendez-vous avec la 13e édition de ce festival en Creuse, du jeudi 26 au dimanche 29 octobre au cinéma Claude Miller de Bourganeuf. Cette année, 4 films de femmes sont à l'honneur. Au programme également, un coup de cœur, une carte blanche à un cinéaste, avant-première, actualité, patrimoine et même anniversaire. Info sur la page Facebook Ciné des villes, Ciné des champs. Lundi 23 octobre, le département de la Creuse attend les enfants pour un jeu de piste gratuit autour de l'univers des maçons de la Creuse. Ils devront résoudre des énigmes pour finir à temps le chantier entrepris. Rendez-vous à l'hôtel du département à Guéret. Infos et inscriptions obligatoires sur creuse.fr ou au 05 44 30 23 24. Côté culture, sur France Bleu Creuse. Et on va aller faire un petit tour au plan d'eau de la Note, c'est à Champagnat-Saint-Domé précisément, avec l'association Note Active qui organise pas mal de rendez-vous, très très intéressants, n'est-ce pas Pascal Gamera, bonsoir. Bonsoir Nora. C'est vous qui établissez bien sûr le programme, et le 28 octobre, un événement, ça va se passer au café de Champagnat, qui s'appelle Saper l'Hippopète, c'est bien ça? Exactement, oui, oui, on sort de nos murs pour une programmation d'un artiste, hein, c'est un solo, parce que c'est un petit café, donc on peut pas accueillir une grande troupe, donc c'est, voilà, ça sera rock'n'roll, et c'est le soir de la finale de rugby d'ailleurs. Ah oui, en plus. Bon, il y aurait eu la France, j'avoue qu'on aurait combiné les deux, mais là on va rester juste sur le concert en fait. Ouais, très bien, alors qu'est-ce qui nous attend avec Bon à Rien, ce One Man? Bon à Rien, c'est rock, c'est foncièrement rock, c'est quand même, ouais, même très rock, hein, on peut dire, donc il est tout seul, et c'est des reprises de variétés françaises qui est refait à une sauce personnelle et, comme je disais, très rock'n'roll. Ouais, donc il y a du Jean-Luc Lahaye, du Gaufret, du Nicoletta, oui. C'est ça. Donc ouais. Voilà, mais par contre, il est détourné du sens original. Ouais. Avec des choristes aussi qui l'accompagnent? Non, il est vraiment en solo, vraiment tout seul. Vraiment tout seul, en tous les cas, oui. Ce qui compte, c'est qu'on va passer un bon moment. C'est à partir de 21h et le prix est libre, hein. Le prix libre. C'est oui, ça. Exactement. Donc on rappelle que c'est à Saper l'Hippopète, c'est sur le site, c'est ça, c'est au plan d'eau de la Non, c'est pas l'Hippopète, c'est sur la place de Champagnat. Ah, c'est carrément sur la place de Champagnat. Oui, sur la place du village. D'accord. Pas besoin de réserver? Non, pas la peine. C'est bon. Alors, on passe au dimanche, alors, le 29 octobre, dès 8h30. On va se lever tôt, dites-moi. Hein. Oui, ça sera peut-être pas les mêmes, hein. Je sais pas. Moi, je vais essayer de faire les deux, mais ça va être dur, j'avoue, oui. Dimanche, 8h30, donc le marché aux plantes automnales. Ouais. Donc avec on a deux marchés par an, un au printemps avant le jardin et un après le jardin. Donc là c'est plus des arbres, arbustes, plantes vivaces. Donc pas mal de professionnels qui vont se déplacer. Des professionnels et puis des amateurs et puis aussi des stands d'artisanat, tout ce qui est autour des plantes. Ouais, donc des conseils bien sûr et puis on pourra bien acheter sûr des plants et tout. C'est ça? Exactement, ça va être un petit moment bien agréable au bord de l'eau, c'est toujours un rendez-vous attendu. Et alors, on pourra se restaurer sur place aussi? Bien sûr, le restaurant sera ouvert pour vous accueillir. Après, il y a toujours beaucoup de monde, donc c'est toujours préférable de réserver pour le restaurant. On va manger des bonnes frites, c'est ça? Entre autres. Des bonnes crêpes aussi? Non, il n'y aura pas de crêpes. Je ne connais pas le menu, je sais qu'on était parti sur un boudin aux pommes, enfin des choses comme ça. Donc je ne sais pas si ça a été retenu, mais c'était ça qui était dans les tuyaux il y a quelques jours. Cette saison, donc, voilà, le marché aux plantes d'automne, bon bien sûr entièrement gratuit, puisque c'est un marché le dimanche 29 octobre, à partir de 8h30, ça va durer toute la journée. Et puis, je tourne la page et une semaine plus tard, hein, quasiment, oui. Vlad et Americans Do It Better. Oui, exactement. En fait, c'est un bouquet. En fait, on fait un week-end complet sur le thème de l'humour, sur l'irrévérence, exactement. Avec le vendredi, Vlad, qu'on connaît bien en Creuse, et le groupe Americans Do It Better, un groupe de funk, qui vont nous proposer un karaoké live. Alors, c'est pas le karaoké qu'on a l'habitude d'entendre. Donc là, c'est vraiment du karaoké avec des vrais musiciens sur scène, etc. Donc c'est vraiment basé sur le second degré, très humoristique. Enfin, quand on connaît Vlad, ça pouvait pas être autrement. Donc voilà, ça sera le karaoké le 3 novembre, le vendredi, et ce sera à prix libre. Très bien, c'est à partir de 21h30, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà, donc des chansons humoristiques pour ceux qui ne connaissent pas Vlad, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Il y en a quelques-uns, oui, c'est du second, voire troisième degré. Voilà. C'est la première fois d'ailleurs qu'il participe à la programme, enfin à la saison en tous les cas du plan d'eau de la Note. Alors Vlad est déjà venu en tant que lui artiste assez régulièrement, mais ce concept ils l'ont monté cette année, ce karaoké, donc ils sont 3, 4, 5 artistes sur scène. D'accord. Donc humour et l'humour continue d'ailleurs voilà. Le lendemain avec Maggie Boll. Et avec Maggie Boll et Piquant mon amour. Et Piquant mon amour, pardon. Alors Maggie Boll, c'est une chanteuse toute seule, elle guitare, avec des chants assez sarcastiques. C'est vraiment bien écrit. Elle a un bon réseau de public. Et enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est attachant et qui va nous amener du monde. Et qui sera suivi après avec un duo qui, pareil, est en train de monter en flèche dans tous les festivals en France, qui s'appelle Piquant mon amour. Ouais, très bien. Donc 21h30 le samedi 4 novembre. Donc c'est un week-end et si on se marrait, hein, on va dire c'est ça comme ça. Hein. Voilà, exactement. On l'a nommé comme ça. Et bien sûr, on n'hésite pas à se connecter sur le site internet de La Note. C'est www.lanote.com. Oui. Alors... Et puis surtout sur Facebook. Et voilà, la page Facebook de La Note. Tout simplement. Et puis on nous appelle hein, pour plus de renseignements au 05 55 52 37 38. Merci beaucoup Pascal Gamera. Il n'y a pas de quoi. Bon concert et puis à très vite alors. Merci Laura, à bientôt. À très bientôt à Champagne. Merci à vous aussi. Christophe Maé, Amadou et Mariam, tout de suite, l'amour. Ça fait rêver les gens, l'amour. Ça donne la vie, le tournis des petits gars qui courent. Ça fait lever les gens, l'amour. Ça fait rougir, ça fait mentir, ça fait du bien tout court. L'amour, ça fait parler, ça fait le vide autour. Ça fait de nous des âmes heureuses, ça fait de nous des âmes seules. Ça fait de vous des amoureuses et de nous vos âmes seules. Mon amour, l'amour, l'amour, l'amour. Tout va bien. Mon amour, l'amour, l'amour, l'amour. Ça abîme les gens, l'amour. Ça rend aveugle, sans con, sans sourd. Ça donne des ailes aux gens, l'amour. Ça fait planer, ça fait le vide autour. Ça fait de nous des âmes heureuses. Ça fait de nous des âmes sœurs. Ça fait de vous des amoureuses. Et de nous, vos on âmes sœurs. Mon amour, l'amour, l'amour, l'amour. Tout va bien. Mon amour, l'amour, l'amour, l'amour. Ça fait faire des kilomètres. Ça fait éteindre des abat-jour. Ça fait fumer une cigarette, l'amour. Ça fait mincir les silhouettes, ça fait casser des abat-jour, ça fait stopper la cigarette, l'amour. Christophe Maé et Amadou et Mariam sur France Bleu Creuse. France Bleu Creuse, côté culture, côté culture. Un bel événement qui vous est proposé, c'est le Salon des Arts à Chénier les 28 et 29 octobre. Et pour nous en parler, le président des ateliers et vie au Couder, c'est à Jouya et c'est Bernard Bondieu. Bonsoir Bernard, bienvenue. Bonjour Laura. Bienvenue sur France Bleu Creuse. Et dites-moi, c'est la 8e édition? Oui, c'est la 8e édition, ça paraît pas, mais on a fait du chemin, voilà. Ah ouais, c'est un rendez-vous qui est bien ancré en Creuse. Ben, je crois que maintenant, les gens ont pris le chemin de Chénier pour ce Salon des Arts, oui. Oui, qui est très attendu, tous très les ans. Attendu. Voilà. Tous les ans, oui, et puis tous les ans, on essaye de renouveler à peu près la moitié des exposants, donc c'est ce qui va se passer cette année, on est à peu près à la moitié de petits nouveaux, enfin pas des petits, de nouveaux, quoi. Et il y a des anciens aussi, il y a des fidèles aussi. Ah, les fidèles sont là, et les fidèles permettent un petit peu de driver les autres, et puis ça se passe bien, quoi. Il y a combien d'exposants à peu près ? Bah, cette année, on est 45, peut-être un peu plus, mais pour l'instant, c'est 45. On est en train de terminer le livret d'expo, et donc il y aura 45 exposants sur le livret d'expo. Voilà. Et ils viennent d'où, tous ces exposants ? Alors, c'est au fil de mes rencontres. Hein. Donc, il y a des gens de la Creuse, naturellement, il y en a de l'Indre, il y en a de la Vienne, de la Haute-Vienne, il y en a qui viennent encore de plus loin, de Charente. Des fois, ils viennent de l'étranger aussi, puisqu'on a eu des Anglais, on a eu des Allemands, mais bon, voilà, c'est au fur et à mesure des rencontres que l'exposition se fait, quoi. Voilà. Alors, quels arts on va pouvoir y retrouver ? Alors là, il y a un petit peu toutes les techniques. Hein. Bon, la base, c'est quand même la peinture, enfin dessin, peinture, peinture huile et peinture acrylique. Il y a de l'aquarelle. Il y a du fusain, il y a du pastel, il y a du collage. Et puis, depuis quelques années, j'ai introduit un peu la photo. Donc, il y a des photographes, et puis des gens qui travaillent aussi sur ordinateur, qui créent des images. Voilà, c'est à peu près tout. Ah, bien sûr, j'ai oublié la sculpture aussi. Donc, oui. Voilà. Alors, comment sont organisées ces deux journées, 28 et 29 octobre ? En principe, l'ouverture du salon se fait à 10h le samedi matin jusqu'à 19h le soir. Mm-hmm. Les artistes mangent sur place grâce à l'association du comité d'animation culturelle et loisirs de Chédier, donc qui font des repas. Et puis le dimanche, même chose, l'ouverture se fait à 10h et jusqu'à 18h30 par contre, parce que là, c'est le démontage, il faut qu'on libère la salle pour le lundi. Bien sûr, alors il va y avoir des démonstrations aussi ? Alors il y a une dizaine de personnes en démonstration tous les ans, voilà, qui, soit du dessin, soit du pastel, soit de l'aquarelle, soit du collage. Bon, voilà, ça permet aux gens aussi de s'intéresser à ces différentes techniques et peut-être un jour de s'y mettre aussi. De la musique aussi au menu ? Alors, il y a de la musique. Alors, tous les ans, j'essaye de trouver quelque chose d'un petit peu nouveau. Alors, cette année, j'ai demandé à une amie, la Justine Jérémy, de venir nous faire l'animation. Alors, c'est la gouaille parisienne du 13e qui arrive à Chénier, donc avec de très belles chansons, et puis des anciennes, des nouvelles, et puis des reprises, voilà. Donc, principalement des reprises. Voilà. Elle s'appelle comment ? Justine Jérémy. Eh bien voilà, c'est noté. C'est gratuit pour assister à ce Salon des Arts ou est-ce qu'il faut verser quelque chose ? Le salon est gratuit tous les ans. C'est grâce un petit peu à la participation des artistes. Mais voilà, on ne peut pas faire autrement. Donc, par contre, on propose un livret d'expo. Ça nous permet pas de gagner grand-chose, mais aussi de faire connaître les artistes. Et puis, il y a toujours une petite loterie de manière à agrémenter le tout, quoi. Il y a une buvette qui est organisée par le comité d'animation culturelle. Bon, ça, c'est un bon moment à passer. Et voilà, convivial. Merci beaucoup Bernard Bondieu. Voilà. Je rappelle que vous êtes président de Atelier et Vie au Coup d'Air, le Salon des Arts à Chénier, les 28 et 29 octobre. Bon salon et à très bientôt Bernard. Merci beaucoup Nora. Merci. Michael Jackson, Black or White.

tes peines dans mes cauchemars. Les jours ont filé en moins de deux. La flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux. Est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça. Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort? C'est mort, est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux, mieux comme ça? Mieux comme ça, c'était Stéphane et Petit K sur France Bleu Creuse. Le 16-19 revient dans un instant. Bienvenue chez vous. Je vous ai emmené dans un magasin, non pas pour faire les soldes d'Héloïse, mais pour découvrir vraiment le lieu de conservation des archives départementales. Ce qu'on recherchait, c'est surtout l'authenticité, d'où le territoire de la Creuse, qui est un territoire très authentique. Notre envie, c'est que chacun, quand il passe la porte, ait envie d'en connaître davantage. C'est un lieu où il se passe beaucoup de choses, où il y a beaucoup d'espaces différents. 10h, 11h, bienvenue chez vous sur France Bleu Creuse. C'est l'euphorie dans votre concession Renault-Euphorie. Jusqu'au 31 octobre, 400 véhicules toutes marques à prix coûtant. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Attention, stock limité, il n'y en aura pas pour tout le monde. Conditions dans votre concession Forêt Renault Guéret, 31 avenue Charles de Gaulle. Pensez à covoiturer. France Bleu Creuse, les petits creusois. Qu'est-ce que tu penses du Tour de France? C'est la question qu'Héloïse Beausoleil a posée à nos petits creusois. J'ai déjà vu le Tour de France l'année dernière quand il est passé en Creuse. On est arrivé le matin, c'était un peu long à les attendre. Mais ce que j'ai bien aimé, c'était la caravane quand il passait parce qu'on avait eu plein de choses. On n'a pas attrapé non plus énormément de choses. Mais c'était marrant. Et aussi, bah, par contre, on n'a pas eu le temps de les voir, les cyclistes, parce qu'ils allaient trop vite. Mais sinon, c'était bien. Le Tour de France, c'est plein de cyclistes qui font donc le Tour de France en vélo. Donc il y a plusieurs étapes. Et à la fin, le premier qui arrive, il a, je crois, une coupe. J'aime bien le cyclisme, mais pas quand on en fait tout le temps, parce que des fois ça peut être énervant et ça fatigue aussi, ça fatigue beaucoup. Mais sinon, j'aime bien. J'ai déjà vu le Tour de France à la télé et c'était bien. J'aime bien le vélo parce que t'es pas obligé de faire de la marche, mais t'as mal quand même aux jambes. Je serais contente si le Tour de France passe en Creuse parce que j'aime bien le vélo. L'ambiance du Tour de France, c'était joyeux. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient la fête et en plus, il y avait des voitures qui passaient tout le temps en klaxonnant, donc c'était bien et marrant. Et voici les Supremes sur France Bleu Creuse. Yeah. 16-19. Le 16-19, France Bleu Creuse. La mia bandiera il luviore che si spanna ogni istante rausole in ogni giocco di campana si per me l'alto vanale a mia strada, a mia fontana o la mia bandiera o la mia bandiera ti regola la mia bandiera in ogni chi corre in usa braccia un mare in aianna in albore si per me a stella ardente guida di un messe in bulore o la mia bandiera o la mia bandiera ti reggo la mia bandiera in ogni monte scolpito non di là ogni legge no di gasta di un ferito si per me a scorza vita di l'arburo sembra rito o la mia bandiera o la mia bandiera ti levo la mia bandiera in un pianto di un uccello in la mano che si vuole in la risa di un zitello si la mia si per me l'ultimo anello, un mio rano, un mio viaggio, con la mia bandiera. Con la mia bandiera. Ti vedo la mia bandiera, in un vecchio campo santo, in un vasto di amore, in la rima di un mio canto. Si per me l'eterna braccia saperà. Jennifer, ti vecco la mia bandiera, d'ailleurs en concert le 28 octobre à Paris, la Défense Arena avec France Bleu. On écoute vos messages. Ah, tout de suite, bah, le temps que ça s'installe. Bonjour, oui, bonjour. Bonjour. La boîte vocale, France Bleu Creuse. Le Squatado organise une soirée effrayante à Châtelumeau-Vallée le mardi 31 octobre pour fêter Halloween. La soirée commencera à 18h30 par un parcours d'horreur au plan d'eau de la Roussille et sera suivie par une soirée dansante à la salle des fêtes de Châtelumeau-Vallée. C'est une soirée pour financer les projets des jeunes du Squatado. Bonjour à tous. Le Club des Amis de Saint-Moreil organise le samedi 21 octobre à la salle des fêtes de Saint-Moreil son concours de belote Tradition Cochon. Inscription à partir de 13h30, début du concours 14h30. Chaque participant recevra un lot ayant pour thème cochon et cochonaille et une petite surprise supplémentaire pour la première équipe féminine. Buvettes et pâtisseries maison seront à votre disposition ainsi qu'une tombola. Toujours dans la bonne humeur. Sainte-Fer, une soirée tête de veau organisée par la CCA de Sainte-Fer le samedi 21 octobre à 19h30. Espace sportif Raymond Poulidor. Réservation avant le 11 octobre. La boîte vocale France Bleu Creuse. 05 55 81 13 82. 13 82. Venez nombreux et merci de votre attention. Venez nombreux. Le journal dans moins de 6 minutes. Voilà, ouais, moins de 6 minutes. J'ai bien calculé. Hein. Avant cela, voici Boulevard des Airs, Bruxelles. Thank you.

Ne manquez pas le magazine 100% Coupe du Monde de rugby. Ça sera juste après le journal parce qu'il est 18h. Le journal nous est présenté par Camille André. Bonsoir Camille. Bonsoir Nora, bonsoir à tous. C'est gris ce soir. Ben voilà, donc les nuages, bien sûr qui l'emportent. Les températures pour la nuit prochaine 10 à 13. Et puis nous aurons un vent de sud, sud-ouest modéré. 65 km/h quand même demain matin. Avec l'inflation, tout augmente, sauf la somme sur notre compte en banque. Et oui, on ne vous apprend rien. Depuis plus d'un an, les prix des courses, de l'électricité, de l'essence sont devenus complètement fous. Et quand on cherche à faire des économies, on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Pour nous donner des astuces, l'Union départementale des associations familiales vient d'organiser une journée conseil. Car Marie Dorcé, il y a pas mal de petits trucs pour limiter nos dépenses. Les fins de mois difficiles, Aminata Abdou en connaît quelques-unes. C'est pour ça qu'elle est venue se renseigner. Tout est augmenté. Donc, si on peut diminuer quelque chose, oui, on le fait. Cette habitante de Guéret repart avec quelques astuces. Il faut souvent vider l'eau qu'il y a dans le frigo, enlever la glace. Et oui, cette couche de glace dans votre freezer peut vous coûter cher, explique Nicolas Peinturier du syndicat départemental des énergies de la Creuse. 3 mm de givre sur la paroi, c'est jusqu'à 30% de consommation d'énergie en plus. Au-delà des actions du quotidien, certains veulent aller plus loin. Fatima est venue se renseigner pour les aides à la rénovation énergétique de son logement. Chauffage et électricité, je paye 680 € tous les 2 mois. Ça fait presque un quart de salaire. Et elle n'est pas la seule à accuser le coût de l'inflation. Certains creusois se retrouvent même en très grande difficulté. Marilyn Nord est conseillère sociale à l'UDAF, en charge de l'un des points conseil budget de la Creuse. C'est vrai qu'on a vu des factures d'énergie qui sont envolées, avec des fois des factures à 4 chiffres, et puis tout ce qui est dossier de surendettement. Donc on les aide à remplir le dossier pour qu'il soit le plus vite étudié et qu'ils aient une réponse le plus tôt possible. C'est pour éviter d'en arriver à l'endettement que l'UDAF est aussi disponible pour tout renseignement de gestion du budget. Et si vous voulez des conseils, vous pouvez prendre contact avec l'UDAF 23, c'est gratuit. Ce n'était vraiment pas le jour pour prendre l'avion. Une dizaine d'aéroports français ont été mis à l'arrêt pendant plusieurs heures aujourd'hui, tous pour des alertes à la bombe. L'aéroport de Bordeaux a été l'un des derniers à rouvrir ses portes il y a environ 1 heure. Évidemment, ce soir, de très nombreux vols sont retardés partout en France. Les signalements se multiplient après la minute de silence en hommage au professeur tué à Arras. Oui, dans plus de 350 établissements, des jeunes ont perturbé l'hommage. Le décompte de ces incidents ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, plusieurs dizaines d'élèves sont accusés d'apologie du terrorisme. Alors Pierre Emparent, que risquent ces jeunes ? Tous ces cas signalés font l'objet d'une saisine systématique du procureur de la République, autrement dit, signalés à la justice en vue d'éventuelles poursuites. Tous ces élèves seront aussi convoqués en conseil de discipline dans leur établissement scolaire pour des sanctions disciplinaires au cas par cas. Ceux qui ont commis les incidents les plus graves seront immédiatement exclus, exige le ministère de l'Éducation nationale, comme cet élève qui a menacé de mettre une bombe. Deux autres se sont réjouis qu'un prof soit mort. Deux autres, enfin, ont simulé des tirs d'armes à feu. Des faits qui relèvent de l'apologie du terrorisme, un délit puni de 2 ans et demi de prison pour les mineurs. La peine peut cependant être limitée à du sursis avec travaux d'intérêt général ou stage de réparation si l'élève exprime des regrets. Et le bilan du nombre d'incidents au cours de cette minute de silence pourrait encore augmenter ces prochains jours. Le tribunal de Guéret rendra sa décision demain dans l'affaire des faux certificats de vaccination. Un vétérinaire et un couple de négociants sont accusés d'avoir produit de fausses attestations pour vendre des bovins en Espagne et en Italie notamment. Ils risquent 10 à 30 000 euros d'amende. La Joconde sera bientôt à découvrir à Bénévent-l'Abbaye. Et ce n'est pas une blague. Hein. Lundi, la commune de l'Ouest-Creuse va inaugurer une microfolie, c'est-à-dire un musée numérique. Sur des écrans, des tablettes, des casques de réalité virtuelle, vous pourrez admirer 4000 œuvres issues des plus grands musées. Et pour les 2 premières semaines, il y aura un focus sur le Louvre avec la fameuse Mona Lisa. C'est la 4e microfolie qui s'implante dans notre département. Et puis, l'équipe première de l'Entente guérétoise nomme un coach par intérim après le départ de Nicolas Désir. C'est Vincent Soto, ex-entraîneur des moins de 16 ans, qui relève le défi. L'objectif reste inchangé pour le club de foot. Il vise le maintien en Régional 1. La météo 100% locale avec Meubles Blondor. Meubles, déco, cuisine et dressing sur mesure à Lavaveix-les-Mines et sur meubles-blondor.fr.